vous l'attendiez tous, à la demande générale, ce soir, Tats vous livre son dernier podcast. Ben, dernier dans le sens de le nouveau, là. Les trois dernières semaines ont été, disons, assez achalandées. J'ai travaillé non-stop. Mon horaire de travail correspondait à peu près à ceci. Donc, levé vers 10h30, hein, c'est pas pire, mais attendez de voir le reste. Donc, 10h30, ouais. Puis généralement, donc travail, donc déjeuner après travail jusqu'à 4 heures, dîner rapide à 4 heures, après vers 5 heures, donc travail jusqu'à 8 heures, petit break, travail encore, souper vers 22 heures, travail, pardon, jusqu'à minuit. Une heure. Et ensuite, deux heures, une heure ou deux libre de repos. Ce qui fait à peu près un régime comme ça qui a été tenu pendant trois semaines, donc tous les jours. Donc travail à peu près entre 10 et 12 heures par jour. Et tout ça s'est soldé par donc le montage de la semaine passée et la présentation, l'ouverture vendredi dernier à la Galerie Tent à Rotterdam sur la rue Vite de Vite, qui est la rue des musées et des galeries. Donc, le résumé de tout ça, de quoi je voulais parler? Premièrement, c'est que... Premièrement, le travail que j'ai réalisé ici, dans le cadre de cette résidence-là, c'est un travail que je considère exceptionnel, vraiment. Vous me connaissez, je suis tout sauf humble. Non, c'est pas vrai. Mais disons que je fais pas de fausse modestie, là. Je suis vraiment content du résultat final. Je pense que c'est un travail qui a été un travail de longue haleine, mais à la fin tout s'est pas mal placé. Je n'ai maintenant plus aucun doute en fait sur mes qualités d'artiste. Parce qu'en fait, comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai décidé de devenir artiste il y a seulement 3 ans en fait. Je viens complètement d'un autre domaine. J'ai fait informatique. Puis donc j'ai toujours comme un petit doute sur mes capacités à travailler les autres médiums que l'informatique. Et je dirais que là, même jusqu'au point de, je veux dire, au niveau sonore, visuel, puis aussi l'autre partie, c'est un truc que d'ailleurs que j'ai jamais vraiment fait, en tout cas pas individuellement, c'est-à-dire placer l'œuvre dans l'espace. Donc j'ai eu pendant ma maîtrise en communication des cours de son, d'image, ça. Je me suis quand même assez conforté dans l'idée que je pouvais faire quelque chose de bien de ce côté-là. Par contre, pour placer à l'intérieur d'une galerie, j'ai toujours travaillé en collectif en fait pour les projets installatifs que j'ai faits, donc j'ai jamais vraiment été confronté à ça. Puis, finalement, en fait, ça s'est super bien passé. J'ai eu aussi, faut dire, les gens, les techniciens m'ont offert un support incroyable. Pour vous donner une idée, je suis arrivé mardi avec mon stock. Commencé à monter avec un technicien là-bas. Puis, en fait, le lendemain, quand je suis arrivé, j'ai commencé à essayer de l'aider. Puis il m'a dit, ah, on va te prendre un café, là. On se reviendra plus tard. Donc, faut dire, il était tellement, en fait, tellement aidant que c'était même, je veux dire, tout ce qui était, bon, tout ce qui relevait de visser, arranger, des fils, etc. Ça, ils ont tout fait, en fait, tout fait, cette partie-là. Puis bon, la personne qui est en responsable, la curatrice, en fait, elle a fait un super bon travail, en fait, pour répartir, placer les différentes œuvres à l'intérieur de l'espace. C'était vraiment bien. Donc, pour en revenir au fait que finalement, c'était vraiment, je suis vraiment content, quoi. Je suis vraiment super content du résultat final. Puis en fait, j'ai eu du super bon feedback, vraiment. La directrice du centre m'a comme dit que c'était super mon travail, etc. J'ai eu du bon feedback de la directrice aussi à 2N2. Puis j'ai rencontré plein de gens pendant le vernissage. C'était vraiment intéressant. Il y avait j'ai rencontré par exemple un couple de vieux Néerlandais qui sont le mec me racontait qu'ils étaient qui est venu ici juste après la guerre en fait. Puis qu'à l'époque, en fait, tous les gens travaillaient fort, tous les gens à reconstruire la ville. Puis, en tout cas, c'était vraiment sympathique. Puis les gens étaient intéressés aussi à savoir comment ça fonctionnait, mais ça me fait chier en fait un peu quand les gens veulent savoir comment ça fonctionne, mais c'était plus, non, les gens se demandaient, bon, qu'est-ce que... Ouais, c'était quoi? Qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Puis tout ça, fait que c'était vraiment bien. J'ai été interviewé par une des télés communautaires, je pense, de Rotterdam, et je vais être interviewé dans mon studio par télé, je sais pas, en tout cas une autre télé, fait que de venir par la bande, une star de la télé néerlandaise en même temps. Ça va être mardi prochain. ouais. En fait, aujourd'hui, ce que j'aimerais particulièrement, bon, je vous ai raconté une petite histoire, parce que je sais que c'est ça, en fait, qui vous intéresse le plus. En fait, je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire quelque chose. J'ai réalisé ce soir que, en fait, à peu près à la même période de l'année, en 2004, donc c'est il y a 3 ans, il y avait un événement, en fait, qui était organisé, il y en a plusieurs qui le connaissent, c'est l'Agora Festif. C'est un événement à Montréal qui est en fait un événement pluridisciplinaire qui dure toute une nuit. Et à ce moment-là, j'avais terminé ma maîtrise en informatique, j'avais abandonné l'idée de faire un doctorat. Ça, c'était à l'automne, donc 2003. Puis il y en a qui s'en rappelleront, j'avais commencé à écrire, j'avais un peu tout lâché, ce qui était informatique, j'avais commencé à écrire. Puis après un peu plus tard, donc j'écrivais comme tous les jours en fait à cette époque-là, et j'avais commencé après à travailler. Un peu en informatique. Et je pense vraiment que c'était effectivement en mai 2004, En tout cas, dans ce coin-là, il y avait l'Agora Festif et avec un groupe de personnes qui se sont constituées ad hoc, on a produit un travail, une installation qui s'appelait Espace Contigu, qui comportait bon, deux parties, une partie avec la 3D, qui est un peu une représentation de l'espace, de l'événement, et une partie qui était basée sur une reconnaissance de visage. Puis en fait, lors de cet événement-là, c'est lors de cet événement-là en fait que j'ai décidé de développer une pratique artistique. J'avais vraiment un feeling incroyable d'avoir produit ça. La réponse du public, je trouvais ça exceptionnel. Je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment le feeling que ça me faisait à l'intérieur, je me suis dit à ce moment-là, bon, c'est ça, hein, c'est ça que je veux faire en fait. Puis, ben c'est ça, là, on est rendu 3 ans plus tard et je suis star de la télé de Rotterdam. Non, c'est pas vrai. Non, mais je suis rendu à un point où est-ce que en fait, ben c'est ça, c'est ma première expo, disons expo collective, mais où est-ce que je présente une œuvre d'une telle envergure, en tout cas à titre individuel. Puis c'est vraiment une installation où est-ce que j'ai tout fait en fait, puis qui comporte plein de parties, bon, visuel, audio, interactif. Puis je suis vraiment ben c'est ça, je vais juste vous dire que je suis vraiment, j'ai remarqué, je me suis rappelé de ça aujourd'hui. Je suis vraiment content d'être rendu là. Puis je voulais en fait je voulais vous saluer, vous tous, vous remercier aussi, parce que ben c'est pas toujours évident de faire ce travail-là, de poursuivre dans ce choix-là que j'ai fait. Bon, pour différentes raisons, c'est un travail qui est très exigeant, qui demande d'avoir toutes sortes de qui demande en fait plein de choses, d'être en fait, il suffit pas juste d'avoir du talent. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Il faut puis à tous les niveaux, pas juste au niveau de la production, c'est au niveau de social aussi, là. Faut écrire des demandes de dossiers, bon, etc. Puis c'est souvent un travail qui est assez ingrat, en fait, parce que c'est un milieu où il y a finalement, il y a beaucoup d'offres, peu de demandes. Donc, beaucoup, beaucoup d'artistes et peu d'espace pour les diffuser. Donc, très forte compétition dans le fond. En tout cas, tout ça pour dire que je suis vraiment reconnaissant de tout le support que vous m'avez donné à travers ces années. Je dirais support au point des fois peut-être même endurance à certains points, à certains égards. Donc pour dire que oui, c'est pas toujours facile d'être artiste, mais c'est pas toujours facile de supporter un artiste. Mais donc c'est ça. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Puis donc je voulais simplement souligner ça. je vais maintenant prendre des vacances. Il y a un truc qui se passe en fait après avoir fait une telle performance. Donc, avec des journées remplies de complètement obnubilées par mon travail. C'est que en fait après il y a comme un vide, hein. Donc là il y a un vide. En fait, par exemple, tout mon équipement a quitté mon studio, hein. Il est rendu dans la galerie là-bas. Puis en fait, tout ce que j'ai donné, c'est là, hein. Donc il y a un vide. Et c'est ça. Et donc il y en a des fois qui font même dépression après, hein. Donc moi, je vais essayer de pas déprimer et je vais essayer de combler ce vide par des vacances. Donc, en fait, cette semaine, je pense que je vais aller un peu aux alentours de Rotterdam et je prévois également un petit voyage à Londres pour aller voir mon amie Sophie. Donc c'est ça, c'est les nouvelles. Puis donc c'est ça, je vais maintenant aller me coucher. Puis je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Puis encore une fois, merci du fond du cœur.